Gold pour mille cheese. Chimenez. J'tape mon créatif, sollicite ton auditif. Un amateur insensé, censé t'amener à une réaction en chaîne. J'enchaîne avec haine, remonter contre le système, surnommé la mauvaise graine. On est déterminé, jeune et rappeur engagé. Qu'importe le livre, c'est l'amour qui m'enivre. C'est l'amour qui me fait vivre, c'est l'amour qui me délivre. Y'a qu'entre frères et sœurs qu'on peut combattre nos peurs. Mon message vient du cœur, pour toutes les couleurs. Black, blanc, blanc, peur, black, arabe, bien penteur. On vit sous pression, on vit sous tension. On a l'esprit rébellion pour une vraie révolution. Combattre la répression malgré l'opposition. Écoute ma réflexion, ma prise de position. Anticapitalisme, anticolonialisme. Je prône le respect et une grande diversité. Et une grande diversité. Et une grande diversité. Et une grande diversité. Et une grande diversité. Ma plume sous tension est ravécume. Quelques années passées et j'analyse ces dernières en vérité. Très peu de temps, mais un si triste bilan. Sur quoi s'appuie-t-il pour parler de développement? Il favorise le futile et délaisse humainement. Victime d'incompréhension face à leur comportement. De ce qu'on dit d'intention et encore un détournement. La violence en retour à nos appels au secours. Jugé insignifiant, on est que des jeunes délinquants. Y'a rien d'alarmant car y'a pas de gain d'argent. Y'a rien d'intéressant car le temps c'est de l'argent. Allez demander aux dirigeants le budget d'armement. Pas de thune pour la santé, la priorité va à l'armée. Pas au pas, pas pour la paix, rien ne pourra nous arrêter. On s'est battu, on se bat, on se bat, on battra, on vaincra. Vaincre la mort nous arrêtera, c'est la mort nous arrêtera. Manutentionnaire du pic, rappeur satirique. J'rime mélancolique, ma tristesse chronique. Face à cet état critique, à la mort et sa chronique. On est que des damnés, victimes de leur échiquier. Mais on porte le kéfier et on garde le point levé. Car nombreuses sont les victimes quand l'état assassine. Demande aux Tutsis ou à la guerre d'Algérie. Il est pas assez lointain, le temps des colonies. Plus proche qu'on le croit vu qu'il en reste aujourd'hui. On vit sous tension, soudain ne cesse les agressions. On multiplie les attaques, les RS gazeuses matraquent. Donne pas si ça craque, leur priorité c'est le gac. Ils nous ont laissé de côté, alors on s'est renforcé. Il faut développer une vraie solidarité. Pour pouvoir foncer et tout renverser. Les sourcils froncés et les poings levés. Les poings levés, un kéfier serré au poing, on va tout renverser.